Bonjour et bienvenue à tous sur Radioactive dans l'émission Jeunesse Live, toujours en compagnie de Corentin, Berat, Nazli et Jordan. Et Marcelo. Aujourd'hui, nous accueillons Emmanuel de la mission locale. Pouvez-vous vous présenter ? Eh bien, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Oui, je me présente, je suis donc Emmanuel Gauthier. Je travaille pour la mission locale à Amboise, mais nous sommes aussi sur Bléré-Château-Renaud. Et voilà, je suis content que vous m'ayez invité. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour Emmanuel, pour quel but vous travaillez à la mission locale ? Eh bien, bonjour. Moi, le but, il est simple. C'est d'aider les jeunes. Alors les jeunes, peut-être pas comme vous, mais un tout petit peu plus âgés. Quand ils sont sortis de l'école, ils ont terminé ce qu'on appelle la scolarité. Et ils sont sur le marché du travail, par exemple. Ils recherchent pourquoi pas un logement, avoir un permis de conduire, avoir un travail aussi, bien sûr, un emploi. Donc je suis là pour les aider. Alors, quand je dis je suis là, on est une équipe de 13 personnes. D'accord. Et est-ce que vous pourrez me dire c'est quoi le forum job saisonnier alternance ? Ah, merci pour la question. C'est une bonne question parce que ça se passe bientôt. Et Radioactive sera sur le forum. Justement, on s'y retrouvera, j'espère. Alors ce forum, rapidement, c'est un après-midi, tout un après-midi de 13h30 à 18h à Bléré, pas très loin, hein, avec 40 exposants, 40 structures qui recherchent des jeunes à embaucher pour l'été, à embaucher pour la saison, mais aussi qui recherchent des jeunes pour, pourquoi pas, faire des contrats d'apprentissage. Vous savez ce que c'est, hein, avoir un CAP, avoir un bac pro ou alors d'autres diplômes. Donc ça va être un forum, effectivement, pour recruter et pour trouver un job. D'accord, merci. De rien. Bonjour, moi c'est Corentin. J'aimerais aussi une question. En quoi ça consiste ? En quoi ça consiste quoi ? Le forum. Ah, je comprends. Ça veut dire, un forum, qu'on a un endroit, là ça va être une grande salle polyvalente, qui est ouverte au public, ouverte à tout le monde. Pas besoin d'invitation, hein ? Pas besoin de recevoir une invitation par courrier ou autre. On vient et vient qui veut. Donc c'est ouvert à tous. Et on vient, on fait le tour un petit peu des stands. Il y a différents stands, différentes personnes. Chacun a amené son logo, son affiche. Il y aura par exemple le château de Chenonceau, il y aura McDonald's, il y aura Leclerc, il y aura aussi des agriculteurs pour les travaux saisonniers dans les champs. Et donc on fait son petit tour, on fait son petit marché et puis on va voir qui peut proposer du travail. Et on dépose, pour ceux que ça intéresse, un CV. Donc voilà, on donne sa petite carte de visite dans l'espoir d'être recruté pour la saison. Très bien, merci. De rien. Bonjour, moi c'est Nazli, j'ai une question. C'est d'où vous est venue cette idée de faire ce métier ? Et voilà. Ah, je sais toujours pas vraiment, mais j'ai une petite idée. Alors je vous en fais part. Bon, la petite idée, c'est que déjà, quand j'avais 17 ans, donc à peine plus vieux que vous, j'avais envie de faire de l'animation, voilà, d'être auprès des enfants, dans les centres de loisirs, dans les colos. Donc j'ai commencé par faire ça quand j'étais étudiant. Et puis petit à petit, ça m'a bien plu et j'ai décidé d'en faire mon métier. Ça a commencé comme ça. Et puis à un moment donné, j'ai essayé de faire d'autres choses, mais je n'avais pas envie. Je voulais faire que ça, rester dans la jeunesse. Et peut-être c'est parce que ça me maintient un peu jeune, malgré les apparences. Mais ce métier-là, c'est pour être toujours en contact de la jeunesse et aider les personnes, les jeunes qui ont besoin dans la vie active. Moi aussi, j'ai une question. En rapport avec celle de Nazli tout à l'heure, quel a été votre parcours du moment où vous avez eu envie de faire ce métier jusqu'à aujourd'hui ? Eh bien, le parcours, disons que moi, je n'avais pas trop envie de quitter l'école tout de suite. Ce qui fait que moi, je suis passé par le lycée, la faculté, je suis allé chercher des petits diplômes comme ça, à droite à gauche. J'ai fait de l'anglais au départ, I speak English. Hein ? Et donc, j'ai d'abord enseigné l'anglais auprès d'adultes. Hein ? C'était des gens qui étaient en formation, hein, qui étaient des plombiers, des vendeurs et tout. Donc, c'était des formations professionnelles. Une fois que j'ai fait ça, j'en avais un petit peu marre parce que c'était un peu routinier. J'ai fait de l'animation. Je suis allé dans ce qu'on appelle, vous connaissez peut-être, il y en a un ici à Amboise, un foyer de jeunes travailleurs. Là, j'ai travaillé là-bas pendant quelques années. Et puis ensuite, j'ai vu qu'il y avait une mission locale qui recherchait du monde, la mission locale d'Amboise, qui recherchait un conseiller. Moi, je me suis dit, tiens, ça, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai poursuivi là et ça fait plus de 22 ans que j'y suis. D'accord, merci d'avoir répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, je m'appelle Jordan. Bonjour Jordan. ça se passe où exactement à Amboise et dans les autres environnements quoi. Je te remercie pour ta question, elle est importante. La mission locale, elle est à Amboise, centre-ville, 22 place Richelieu. Hein, ça, c'est l'adresse principale. Mais ensuite, on est aussi à Château-Renaud, c'est à un peu plus de 20 km au nord d'Amboise. Et enfin, on est également au centre socio-culturel de Bléré. Donc là, c'est un petit peu plus au sud. Donc voilà où on se trouve et on est ouvert du lundi au vendredi. Merci. Et quand est-ce que le forum va ouvrir, entre guillemets ? Ça, c'est une bonne question, parce que je disais tout à l'heure, c'est pour bientôt. C'est exactement le mercredi 13 mars prochain. Et donc, ce sera l'après-midi, au centre socioculturel de Bléré, de 13h30 à 18h, le 13 mars, donc. Merci. Et sans être indiscret, depuis quand vous travaillez à la mission locale ? Je travaille à la mission locale depuis plus de 22 ans. Et comment ça se déroule ? Comment vous organisez ça ? Comment vous faites partager le message ? Est-ce que tu veux parler du message du forum ou de la mission locale ? Les deux. Les deux ? Oui. Bah, pour parler de la mission locale ou du forum, on a d'abord un moyen unique, hein, enfin pas unique mais principal, qui est de passer par la radio. Moi je viens aussi ici, vous voyez, vous n'y êtes pas forcément, mais on vient à la radio et puis moi mes collègues, et on vient passer des petits messages qui sont diffusés partout, entre ici, Amboise, Mont-Louis, donc pour que les gens soient au courant qu'il y a cette association. Parce que la mission locale est une association. Pour ce qui est du forum, bah, c'est ce que vous êtes en train de faire un petit peu pour moi aujourd'hui. Vous êtes en train de me faire ma pub. Hein, et ça, c'est plutôt appréciable. Et grâce à la radio et grâce à vous, comme ça, on sait qu'il y a un forum pour les jeunes qui recherchent un job ou un apprentissage cet été. Merci. Je t'en prie. Y a-t-il d'autres questions ? Oui. Pour combien vous faites ça ? Une fourchette. Tu veux une fourchette en dollars ? Flemme de convertir. En pesos ? Le salaire d'un conseiller dans la mission locale, c'est un peu ça ta question. Oui, voilà. Bon, on n'est pas des Rothschild, hein. C'est pas énorme, mais ça permet de vivre comme il faut. Bon, je peux pas en dire trop, parce que c'est très variable, ça dépend si on a de l'ancienneté, ça dépend si ça fait longtemps qu'on y est, si on vient juste de démarrer, si on est débutant. Mais disons que, allez, je vais vous donner un ordre d'idée, net dans ta poche, si tu démarres, tu peux être à 1 400 €. Ok. Net d'impôts ou... Dans ta poche, net d'impôts, oui. Mais tu paieras des impôts après sur d'autres choses. Mmh. Hein. Mais c'est net sur ton salaire. Ok, merci. Et on m'a dit que vous étiez musicien. Je me demande qui t'a dit ça. Mmh. Oui, je suis musicien. Je joue un instrument principalement et un autre instrument également. Et quels sont ces instruments en question ? Alors, je suis batteur. Eh oui, mais attention, batteur de jazz. Et je joue de la guitare depuis 2 ans. J'ai appris la guitare également. Impressionnant. Eh bien, en parlant d'instruments de musique, nous allons faire une petite pause musicale avec Hope de NF. Hope. I'm on my way, I'm coming. Don't lose faith in me. I know you've been waiting. I know you've been praying for my soul. Oh, oh. You've been dragging your feet, telling me I'm the reason we're stagnant. 30 years you've been claiming your honesty and promising progress. Well, where is it at? I don't want you to feel like a failure. I know this hurts, but I gave you your chance to deliver. Now it's my turn. Don't get me wrong. Nature had the great one. But it's time to give the people something different. So without further ado, I'd like to introduce my album. Hope. What's my definition of success? Listening to what your heart says. Standing up for what you know is right while everybody else is. Tucking their toe between their legs. What's my definition of success? Creating something no one else can. Being brave enough to dream big. Grinding when you're told to just quit. Giving more when you got nothing left. It's a person that'll take a chance on something they were told could never happen. It's a person that can see the bright side through the dark times when there ain't one. It's when someone who ain't never had nothing ain't afraid to walk away from more profit because they'd rather do something that they really love and take the pay cut. It's a person that would never waver or change who they are just to try and gain some credibility so they can feel accepted by a stranger. It's a person that can take the failures in their life and turn them into motivation. It's believing in yourself when no one else does. It's amazing what a little bit of faith can do. If you don't even believe in you, why would you think or expect anybody else that's around you to? I done did things that I regret. I done said things I can't take back. Was a lost soul at a crossroad who had no hope, but I changed that. I spent years of my life holding on to things I never should have kept, full of hatred. Years of my life carrying a lot of baggage that I should have walked away from. Years of my life wishing I was someone different, looking for some validation. Years of my life trying to fill a void, pretending I was in them. They get it. Evil, difficult to go through, yes, but beneficial. Some would say having a mental breakdown is a negative thing, which on one hand I agree, but on the other hand it was the push I needed to get help and start the healing process. See, if I'd never hit rock bottom, would I be the person that I am today? I don't believe so. I'm a prime example of what happens when you choose to not accept defeat and face your demons. Took me 30 years to realize that if you want to get the opportunity to be the greatest version of yourself, sometimes you gotta be someone you're not to hear the voice of reason. Having kids will make you really take a step back and look in the mirror. At least for me, that's what it did. Every day and pick my son up, hold him in my arms and let him know he's loved. Love. Standing by the window questioning if that is ever going to show up. Isn't something he's gonna have to worry about, don't get it twisted, that was in a shot. Mama, I forgive you, I just don't want him to grow up thinking that he'll never be enough. 30 years of running, 30 years of searching, 30 years of hurting, 30 years of pain, 30 years of fearful, 30 years of anger, 30 years of empty, 30 years of shame, 30 years of broken, 30 years of anguish, 30 years of hopeless, 30 years of hey, 30 years of never, 30 years of maybe, 30 years of later, 30 years of faith, 30 years of hollow, 30 years of sorrow, 30 years of darkness, 30 years of day, 30 years of baggage, 30 years of sadness, 30 years of stagnant, 30 years of change, 30 years of patience, 30 years of suffering, 30 years of torment, 30 years of pain, 30 years of bitter, 30 years of lonely, 30 years of pushing everyone away. You'll never evolve. I know I can change. We are not enough. We are not the same. You don't have the heart. You don't have the strength. You don't have the will. You don't have the faith. You'll never be loved. You'll never be safe. Might as well give up. Not running away. You don't have the guts. You're the one afraid. I'm the one in charge. I'm taking the. No. I'm taking the. Reigns. De retour sur Jeunesse Live, toujours sur Radioactive, toujours en compagnie de Emmanuel de la mission locale. Nous allons reprendre les questions. Oui, Bérate. Et est-ce que, Emmanuel, il y a eu de personnes qui ont leur situation vous a touché? Oui, beaucoup, pour pas dire tout le temps, hein, parce que c'est un travail humain. C'est aussi ce qui me plaît, mais quelquefois, tu as raison de le souligner. Il y a des jeunes qui peuvent venir avec des situations très compliquées, je vais vous donner des exemples, qui peuvent être à la rue, qui n'ont pas de quoi manger, qui sont mis dehors de chez leurs parents, etc., etc. Et là, ben, on doit d'abord être professionnel, c'est-à-dire qu'on écoute, on se pose, on analyse ce qui ne va pas, on regarde les solutions qu'on peut apporter. Mais une fois qu'on a fait ça, ben, le soir, on rentre à la maison. On y repense encore un peu, hein. On y repense encore un peu et on se dit « mince, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ?» Heureusement, souvent, on repose des rendez-vous, d'autres rendez-vous, on revoit la personne. On essaye d'accompagner le plus longtemps possible jusqu'à ce que les solutions soient trouvées. Merci. Quand vous exercez ce métier, est-ce que vous avez un emploi du temps chargé surtout? Alors, aujourd'hui, j'ai un emploi du temps chargé. Ça a toujours été plus ou moins le cas, mais un peu plus aujourd'hui parce que je suis encadrant de l'équipe. Hein, donc, alors, j'ai un peu moins de temps avec les jeunes, mais un peu plus de temps sur des réunions, à l'extérieur, sans parler du temps à passer à la radio. Mais oui, il y a un emploi du temps qui est souvent assez chargé, assez dense. C'est moi, Nazli. C'est que j'avais une autre question. C'est, est-ce qu'il y a eu des sortes de périodes où vous voulez arrêter votre travail ou, envie de faire autre chose. Oui, voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est une bonne question parce que je pense que même dans tous les métiers, ça arrive, ça. Moi, ça m'est arrivé comme je pense à certaines personnes. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, avec la bonne question de savoir si c'était difficile, quelquefois, on se dit, j'arrive plus à supporter tout ça. Et puis d'autres fois, mais j'en parlais un petit peu dans mon parcours, quand on a un petit peu de routine, quand les choses sont toujours les mêmes, et puis parce qu'on regarde un petit peu ce qui se fait à droite à gauche, on a envie de changer, d'essayer d'autres choses, par curiosité. Et moi, ça m'est arrivé, oui. D'accord, merci. De rien. Est-ce que vous êtes déjà fait des amis parmi vos clients, on va dire ça? Parce qu'ils vous ont touché Oui, énormément. Énormément. Alors, comme je disais, ça fait longtemps que je suis à la mission locale. Donc moi, j'ai vu des jeunes qui sont devenus même parents, qui reviennent nous faire un petit coucou avec les bébés dans les poussettes, qui nous font bonjour dans la rue. Là, je viens d'avoir encore un mail ce matin d'un jeune qui me dit « Tiens, je vous ai croisé, je conduis le bus de la ville. Hein, » Et ben voilà, il m'a dit « Vous étiez mon conseiller il y a quelques années, il y a 10 ans en arrière. » Donc on peut peut-être pas parler d'amitié, mais en tout cas, c'est des gens qui se souviennent de vous parce que vous avez rendu service à un moment donné et ils vous sont reconnaissants et ça, c'est d'une richesse pas possible. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une dernière. Est-ce que des fois, ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous ait dit « si jamais vous m'aidez pas, il y aura des répercussions sur vous, des menaces, voilà ». Ça arrive rarement. Mais on peut avoir des personnes qui sont impatientes parce que elles sont en difficulté, elles ont effectivement envie que ça avance vite et qu'elles nous mettent la pression. Hein, quand est-ce que je vais avoir une aide, de l'argent, des sous, quand est-ce que, etc. Oui, ça peut arriver. Ça reste toujours très courtois, même si certains peuvent un peu monter la mayonnaise. Mais voilà, ça peut arriver, oui, mais c'est rare. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question, mais elle est pour vous tous. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de la mission locale avant cette émission? Oui, moi. Oui, un tout petit peu pour ma part. Moi, jamais. C'est vous? Oui. Oui, on a mais moi, ce qui m'interroge le plus, c'est le forum Job Saisonnier Alternance. C'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois que tu l'entends? C'est normal, c'est parce que... tu n'es pas encore en âge peut-être de trouver un emploi là tout de suite, un emploi saisonnier. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas du travail quand tu aides tes parents, ta famille, etc. Mais en tout cas, c'est peut-être pour ça. Parce que ça fait quand même 6 ou 7 ans que ça existe. Donc c'est la 5e édition, l'année du Covid, du méchant Covid, donc on a dû tout arrêter. Mais ça fait 6 ans. D'accord, merci. Est-ce que c'est la fin des questions? Oui, pour ma part. Très bien. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions, Emmanuel. Merci. Et merci de nous avoir écoutés. On était sur Jeunesse Live, sur Radioactive. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous et merci. Merci à vous aussi. Jeunesse Live! Retrouvez-nous tous les mercredis à 18h15 sur Radioactive 94.7. À bientôt.